Tu n'as pas compris, voilà pourquoi tu es resté comme ça. J'ai vu ton planning là. C'est comme ça là. C'est comme ça. Un jour y arrache pas haut. C'est comme ça là. C'est comme ça. J'ai vu tout ça là. C'est comme ça. Tu es mauvais là. C'est comme ça là. C'est comme ça. J'ai vu ton pocota. Le beau pays. Voilà pourquoi me suis caché là. Allez, Koreki. J'ai vu tout ça là. Dagalou, le petit baoulé. Sosten macha macha très très fort. Jody. Capitaine Blé. Le prince de mer. Willy Monet. Docteur Traoré. Bougez, au bout de cellulaire, tâchez le gourou, bougez.